Je suis toute seule et je me dis, je ne peux pas rester ainsi. Il faut que je me trouve une âme sœur. À moi l'amour, ça me fait pas peur. Quelqu'un, quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un. De lui ou d'un autre. Dormir seul, c'est malsain. Aujourd'hui sous le soleil des néons.